Planet Rap. Ça, c'est bien LD, ça, gros. C'est l'émission rap de référence. Planet Rap. 20h21h, ce soir. Ladies and gentlemen. Planet Rap Vald. Et c'est la dernière soirée avec Vald dans ce vendredi jour de sortie. Ça y est. Alléluia. Ouais, ça fait déjà 12 heures, peut-être ouais. Plus, sûrement 10 plus, heures. Plus. Combien plus. 20 heures que les gens achètent, c'est incroyable. Ouais, au moins 19 heures, quoi. C'est un truc de dingue. Ouais, non, c'est beau. Et puis les beau. Heures continuent à défiler, donc c'est... Ça n'arrête pas. N'hésitez pas à aller télécharger si vous ne l'avez pas encore. La guerre. Téléchargez, faites-vous plaisir. Un grand merci à tous ceux qui l'ont déjà téléchargé. Le mot de Mercus. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà fait l'effort d'aller précommander, qui ont acheté, qui sont déplacés en masse dans les magasins pour aller dévaliser ces putains de rayons et qui écoutent NQNT depuis ce matin. Force à vous et merci. Merci pour tous les retours. Et on se voit sur la tournée. Tiens, dites-nous d'ailleurs vos morceaux préférés avec le hashtag Vald sur Skyrock, les morceaux qui vous font plaisir sur ce projet qui est dans les bacs depuis excellent aujourd'hui. Projet. Bon, c'est bien, est-ce que tu es soulagé aujourd'hui? Est-ce que tu vas mieux? Écoute, je serai bien demain, on va dire. Ce soir, il y a la release et tout. Et ce soir, tu vas à Lyon, tu files direct à Lyon. À Millionnet, vous inquiétez pas, il est sur Skyrock. Ouais. Et juste après, il sera à Lyon, au Nin Quasi KO, en concert. Et Vald en tournée, on filera les dates tout à l'heure. Il y aura un invité qui passera aussi ce soir. Mais qui c'est donc? Petite visite. Surprise. Un invité de luxe. On le présentera en temps voulu. On le présentera dans quelques minutes. On fait du all suspense ou pas? Qu'est-ce qu'on fait? Suspense. Un petit peu de suspense, on le dira dans quelques minutes. Et là, on va revivre un petit peu ce qui s'est passé cette semaine avec toi, Vald. Écoutez, c'est le replay de la semaine. Écoute, c'était toute cette semaine en direct sur Skyrock. Hey mon vieux, ya. Yeah. Wesh connard, désolé, je vais déchirer ta prod. Non. La soulara qu'il faut jamais confier ta gosse. Jamais. J'gère pas le nord, je suis à l'ouest, mais je suis méga fort. Et si je galère à écrire mon cesse, fais-moi sniffer de la colle. Planet Rap. C'est une tragédie, gros, ici y'a pas de génie. Surtout n'oublie pas, je t'ai dit ce qu'il faut, c'est du cash. On traîne à côté du DAS, prêt à frotter une tasse pour que le génie sorte. Et j'ignore quelle idole est ignoble. J'entends tout un tas de discours à la con, à croire qu'ils recherchent leurs paroles. Assis soit à la pompe. Comment tu veux que je m'en sorte, y'a 10 bavures de rip ou à la seconde? Tu verras qu'ils sont nombreux, tous ceux qui prient pour Calaton. Planet Rap. Sous tes guibolles, la terre s'ouvre. Mes bras sortent et font des wad. Trop de merde dans ton corps qui s'écrie et pondez-moi. Ton âme, la pute, qui s'écrie, fécondez-moi. Dame nature qui font en larmes. Les humains qui font des lois. Planet Rap. Des putes, des putes. Tout un programme. Hey. Et je suis un poisson, perdu dans l'océan. Oh. Et puis j'aime les algues. Oui. Et puis j'aime les algues, et je suis un poisson, perdu dans l'océan. Et puis j'aime les algues. Oh que j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et je suis un poisson. Planète rap. Zut. Les autres racontaient leur vie, j'ai fait chute. On compte les amis, on compte les pécules. Tu fumes que de la weed. Mais c'est pas les légumes. Devant tu donnes la vie, derrière on t'exécute. Ça fait v'là les déçus, v'là les défunts. Val les dos dessus, val les deux ceux qui te volent, c'est les deux. Val les dégueux, mais val les têtus. Val les méfus, j'ai cramé les culs. Planet Rap. Je déteste mon quartier, tout est moche, tout est gris. Y'a tout qui hoche, c'est terrible. Planet Rap. Fils de fille de joie, salope, suce mon cervelet, j'envoie des perles de lait. Planet Rap. Hemingway, Hemingway, how? Suis con. Mada Eminem, still game, me pay. Suis con. C'est de mon vocer que jaillit le spectacle. Même si j'ai le même niveau qu'un sec. Planet Rap. Je m'appelle Blaise. Je suis né le 25 septembre. Comme la date de la sortie de ton album, mon plus beau cadeau qu'on pourrait faire cette année. Incroyable. De venir au Planet Rap. Alors, ce que va faire c'est Fab là, qui fait son entrée avec son magnifique petit pull marin. Voilà. Qui est là, dans le studio, va prendre le téléphone. Voilà. Et il va. Et il va t'indiquer comment venir. Il va opérer la magie et c'est très faisable. Et on va l'inviter pour ton anniversaire. Allez, on ça vous va mec, ouais, allez. Planet Rap. Voilà, incroyable. Incroyable. Et puis. Je suis bouche bée, subjugué, souffle coupé. Et puis pour finir, avec ce coup de fil que tu as pris en direct, il est là, il est venu nous voir, c'est son anniversaire aujourd'hui. Du bruit pour Blaise. Blaise est là. Joyeux anniversaire. bang, bang, bang, bang, bang. Allez, viens dire un petit mot. On le réécoutait à l'instant dans le replay. Et Blaise est là dans le studio. Comme quoi Val tient ses promesses. Tu l'as invité pour ce dernier Planète Rap. Parfait. Merci pour mon anniversaire. C'est on est là. T'as quel âge? T'as quel âge, mon salut? J'ai 15 ans. 15 ans? Sois putain, tu fais 2 mètres, mec. Et tu as été acheter l'album ce matin? Oui, effectivement. Voilà, il a déjà l'album. Incroyable. L'album NQNT2, achetez-le. Il est bien ou pas? Il est bien ou pas? Oui, il est. Magnifique. Comme un poisson dans l'eau. En même temps, s'il est pas bien, tu sors. Hein. Magnifique. Attention, parce que là, on fait des cadeaux, il s'agirait pas de. Bon anniversaire. Eh ben, bon anniversaire, Blaise, en tout cas. Voilà. C'est vrai qu'il est très grand, Blaise. Il est super grand. 15 ans. J'aurais pas dit 15. Ah oui, j'aurais pas dit 15. J'aurais dit 16. Allez, on débute avec un morceau. Morceau de l'album NQNT2 sur Skyrock. C'est, oui, c'est Selfie qu'on écoute maintenant. C'est Selfie qu'on voulait lancer. Allez, Selfie. On commence la journée. Allez, c'est parti, c'est parti. Allez, c'est parti, allez, c'est parti. NQNT2 absolument partout dans les bacs. Elle veut que je lui fasse mal, que je lui écrase la tête. Mon pied sur sa face, ça m'insulte faillette. Elle veut que je lui tire les veux, que je l'étrangle un peu. Beaucoup passionnément, à la folie si Dieu veut. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pull vert. Elle me dit jette-moi par terre, fais-moi mal, j'ai pas peur. Je m'en fous, je cacherai les bleus sous mon pull vert. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y a des gens autour. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins. Et elle me chuchote doucement, qu'elle veut que je la prenne comme une chienne. Juste là devant tout le monde, sur une table ou sur une chaise. Quand on rentre, faut que je l'attache à la décorée des chaînes. Le décor se déchaîne et son corps se déchire. Elle me dit toujours plus fort, tu dis moi plus fort je veux bien. Mais si la plus fort je vais, tu pourras plus toi demain. Faire l'amour c'est trop facile, quand on baisse faut des bacilles. Elle aime bien que je la fasse rire, elle préfère quand je la martyre. Elle aime bien quand je suis sincère, elle aime bien quand je m'insère, elle aime bien quand je me sers. Fais-moi mal, j'ai pas peur. Avec toi je me sens si bien, je ne me soucie plus de rien. Sans crainte je peux montrer la chaîne en moi. Enfin. Et on fait des selfies, en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y'a des gens autour. Mais on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y'a des gens autour. Elle aimerait bien se faire violer, enfin pas vraiment violer. Elle aimerait que je la violente, que je la casse sans demander. Elle aimerait bien se faire violer, enfin pas vraiment violer. Elle aimerait que je la violente, que je la casse sans demander. Non parce que tu vois avec toi c'est vraiment pas pareil quoi. C'est genre, j'adore être... Arrête, tu veux te foutre de ma gueule. Non mais j'adore, genre je sais pas, si tu me fasses mal, genre me faire violer, mais je sais que c'est toi, ça veut dire que c'est pas vraiment du. Et on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y'a des gens autour. Mais on fait des selfies en bisous sur la joue. Elle me surnomme chérie et parfois mon amour. On se tient même la main quand on marche dans le bourg. Elle me fait des câlins quand y a des gens. Le morceau c'est Selfie, vous le retrouvez sur NQNT2 qui est dans les bacs depuis aujourd'hui, ça y est. Version physique ou en téléchargement légal hein, ah, partout, il y a même des versions de luxe avec NQNT1, NQNT2 ensemble. Ah oui. Incroyable. Ah ouais, non, on a fait les choses en grand, là c'est l'Amérique. Là, c'est assez énorme. Hein. Ah, ouais, ça chuchote des ruptures à toute berzingue, j'adore. C'est vrai ? Ouais. Est-ce que les gens se sont jetés sur NQNT 2 ? Ma foi, oui. ouais, partout, hein, je veux dire. Voilà, tout le monde est sec. Pardon. Le Planet Rap avec. Excuse-moi, c'est. Ah oui, je t'en prie. Ça m'a fait un effet fou, quoi. Ah ouais, de, non, mais... de savoir il y a ça, une franchement. Vague de t'as pris un coup de vent, quoi. Ah, j'ai pris un coup de vent à l'instant. Le Planet Rap avec Vald. Un invité qui arrive dans quelques minutes. Allez, on peut balancer le blaze. Je te laisse. C'est le Gradure qui va venir nous passer un petit coucou. Bon, pendant qu'il n'est pas Gradure. Là. Tu veux dire quelque chose de pas bien sur Gradure ou pas ? Non, que de l'amour sur Gradure. Que de l'amour. Chaud, ouais. Que de la bienveillance. Ouais, non, il est trop chaud. Il a remixé Bonjour, j'adore. Enfin, c'est vrai. C'est une passe de ouf de sa part. C'est un bon gars de ouf en fait. Tu te rends pas compte comme ça. C'est vrai. Mec, son ordi, tu vas peut-être tenter une imitation tout à l'heure ou pas. Restez avec nous. En tout cas, Gradure qui arrive dans quelques minutes, entre 20h et 21h. Il vient même avec un cadeau. Il paraît qu'il y aura aussi un cadeau pour toi. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Restez bien à l'écoute de ce Planet Rap spécial Vald. On va mettre un autre morceau. Là, on peut balancer les morceaux. Là, le projet c'est bon, sorti. C'est sorti. Donc là, on peut y aller. Allez, vas-y, balançons Barème. Barème. C'est jamais sorti. C'est la folie. Allez, c'est parti. Et c'est extrait de l'album qu'on peut trouver tout de suite, là, NQNT 2. Chiche. À l'infini. Une garrette, un verre d'eau, une garrette, première pause, une garrette. Une barrette, une semaine, une barrette, une soirée, une barrette. Tu me donnes des thunes, balèques, tu galères, tu vas me payer ton grec une fois. Au vrai, tu balais, tu soirées, plus pareil, puis pareil que tu me montrais du doigt. Une mixtape. Un EP double P. Un album, j'mets la gomme, j'ai la botte et la bonne. J'ai la bord des rapports normes. Des rappeurs homo veulent adopter mes beaux chromosomes. Médaille d'or et moi comme métadone et ta mom. Et yo, j'pousse les rapports sous apport de cavode. Journaliste, producteur, éditeur, manager, maison disque et distrib. C'est bon chic, c'est bon genre, mais j'le dis sur l'honneur, j'fais la même sans ces beats, même sans ces pitres. Une garrette, un verre d'eau, une garrette, première pause, une garrette. Une barrette, une semaine, une barrette, une soirée, une barrette. Tu me donnes des thunes, balèque, tu galères, tu vas me payer ton grec une fois. Tu balais, si pareil, plus pareil, plus pareil, tu me montrais du doigt. Moitié jet 27. Moitié Sobieski. Moitié Sobieski. J'vois des deps simples. J'vois des mauviettes speed. T'as le Zen plan S. Et tes poches respirent. Reste une piste, fais du R&B. C'est moi la merde in. Rater I, j'ai pas un copec, un collègue, cadre Leclerc. Premier cas d'école, j'accours, j'ai de l'amour en carrousel. Et yo, j'gravis les grades et mes camés sont ravis. J'suis là, c'est toute ma vie. J'ai compté mes radis. NQNT dans les bacs, mes frères. Une garrette, un verre d'eau, une garrette, première pause, une garrette. Une barrette, une semaine, une barrette, une soirée, une barrette. Tu me donnes des thunes, balèque, tu galères, tu vas me payer ton grec une fois. Tu balais, tu smarais, plus pareil, plus pareil, tu me montrais du doigt. Un appel à manquer. Un faguette, un plan B. Un appel à manquer, un faguette, un plan B. Un barème bien pensé. Un cachet implanté. Un malaise implanté. Un cachet implanté, un malaise implanté. Un barème insensé. Un appel à manquer. Un faguette, un plan B. Un appel à manquer, un faguette, un plan B. Un barème bien pensé. Un cachet implanté, un malaise implanté. Un cachet implanté, un malaise implanté. Un barème insensé. Passer des dents les bacs. NQNT 2 2 2 Dans les bacs, dans les bacs. NQNT 2. Mimimati, reptile, très petit, pyramide, pentagone, pentacle, les triple 6, dilapide, valado, bon musique dans les films, en radio. BHL, reptile, très hostile, reptile, très toxicomane aussi. Y'a même leur manodou qui a des écailles au pire, faut que j'arrête mon listing. Ils se faufilent même entre les briques, ils entendent tout ce que j'enregistre. J'foule, j'veux l'enrégime et la régie, c'est moi, du coup, élisez-moi, que j'fasse tout péter, que j'accomplisse la prophétie. Si t'as gros mépé, moi j'en ferai que dalle. Y'a qu'un fils de pute, un reptile. Pour se vanter, n'enfanter ta concubine. C'est pas mon projet, c'est pas ma passion. Je fais sauter le crochet, je vise l'évasion. C'est pas son projet. Vise l'évasion avec moi. NQNT 2 dans les bacs maintenant. NQNT 2. Et on fête la sortie ce soir. Tu vas la fêter tard, puisque après tu pars du côté de Lyon aussi. Ah, mais on va fêter avec eux à Lyon, ça va être la reguerre. Je pense que ça va être chaud ce soir. Ouais. Il y a moyen que ce soit chaud. Ouais. C'est la date qu'il ne fallait pas louper. Surtout pas, non. Il y en aura d'autres, hein, d'ailleurs, d'autres dates aussi pour voir Vald en tournée. L'avenir aussi, Vald, c'est quoi? T'es déjà reparti sur un autre projet ou là tu vas un peu profiter? Bah, la musique, c'est ça, tu sais, tu fais de la musique tout le temps en réalité. Donc, on continue en fait. Donc, régulièrement t'écris, régulièrement t'es en studio. On a déjà des nouveaux morceaux. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je ne sais guère. Mm-hmm. Mais voilà, ça continue. On va s'assumer de côté. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une Lost Tape que j'aimerais bien sortir. Et voilà. C'est encore, c'est même pas encore dans les tuyaux. C'est la Lost Tape. Une Lost Tape, éclaire-moi un petit peu. C'est une tape avec des morceaux égarés à droite à gauche, tu vois. Avec tous les morceaux éparpillés un peu partout. Ah, tous ceux que t'as balancés comme ça. Voilà, et rajouter des inédits pour pas faire des projets qui servent à rien quand même. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Une Lost Tape, c'est bien. Ouais. Pour respirer un peu avant l'album. Pour respirer un petit peu avant, avant l'album en 2016, encore de Vald qui reviendra nous voir. Parfaitement. Et puis la tournée, les dates, vous les retrouvez sur les différents réseaux sociaux de Vald. Dans un instant, Gradure se pointera dans l'émission. Ah bah, c'est la surprise à ton ballot alors. Ah non, mais on l'a dit tout à l'heure. T'étais parti pisser. T'étais parti pisser tout à l'heure, tu n'as pas entendu. QNT2 dans les bacs. Ah non, QNT2. Mais on l'a dit déjà il y a 5 minutes, mais c'est vrai que. T'as eu une petite incontinence. Ah bah. On est plus tout jeune, hein. On comprend. Donc de retour dans un instant avec Vald, avec Gradure sur Skyrock. Il y aura du live aussi ce soir, Vald. Chiche à mort, on fait toujours du live. Il paraît que tu nous feras bonjour en live. Et un petit morceau qui est sorti aujourd'hui normalement. Et avant le live, une énorme surprise. Va savoir ce que c'est. Ah oui, oui. Ah, moi-même, je sais pas de quoi il parle. Ah oui, c'est Félicien. Mercure, si tu fais des signes. Ah, je sais pas, t'es peut-être dans le coup, pas moi. C'est des pyramides en fait. C'est le clip de bonjour là. Mais des pyramides en rectangle en fait. Il était encore sur le clip de bonjour. Tu fais des trucs chelous en fait. Je t'ai compris. Bonjour. Il était encore sur le clip de bonjour. Bon, d'ailleurs, tout à l'heure on a entendu Selfie, j'ai oublié de préciser. Alors, toute la semaine, il y a quelqu'un avec moi qui fait les voix. Oui, j'allais te demander, c'est toi au début, je pensais que c'était toi qui faisais les voix, les petites voix derrière. Alors, non, toutes les ambiances, les. Oh! Ça, c'est moi, je sais parfaitement le faire. Le petit thug au début, thug, c'est moi aussi. C'est toi aussi. En fait, celui qui chante derrière, c'est Yann. A priori, en fait, je fais tout. Non, mais en fait, ma voix est appuyée avec des chœurs derrière. Et on parle jamais des chœurs. Eh ben alors, parlons des chœurs. Le chœur est assuré, les chœurs sont assurés par Sirius, le virus le plus sérieux. Personne ne sait qui c'est, mais... Il peut faire tous les chœurs. Il peut faire tous les chœurs, il chante parfaitement bien. Et voilà, c'est lui qui fait les chœurs derrière pour rendre tout ça absolument populaire avec cette petite couleur pop qu'on aime tant. Donc on salue Sirius. Salut Sirius. Salut Sirius. Sirius. Personne ne sait qui c'est, mais lui sait. Où tu es, j'espère que tu nous entends, Sirius. Sirius. C'est le virus le plus sérieux. Ouais, c'est le virus le plus sérieux. C'est l'ingé son en fait. Je sais qu'il nous entend. C'est l'ingé son. Je sais qu'il nous voit. Tu penses qu'il est pas loin? Je pense qu'il est jamais loin. Je pense qu'il est plus proche que l'on ne pense. En tout cas, dédicace à lui, il est chaud le Sirius. Et bon, salut Sirius, là où il se trouve en tout cas. Merci, tiens Vald, on t'a piqué un petit peu le portable aussi, le portable que tu as eu toute la semaine, d'ailleurs je vais le récupérer aussi ce soir. D'accord. Et on a compilé un petit peu une partie des messages que tu as pu recevoir sur ton répondeur avant qu'il ne soit saturé. Ouais, cousin, là on est devant Skyrock, on t'écoute, on est là depuis le début. Ouais, ouais, DALD, t'inquiète, on est là, 90, on t'appelle des putes, t'inquiète, on en a plein, on a des bons légumes, t'inquiète aussi, y a pas de soucis. Bon, bref, on t'appelle ce soir, mec, à plus tard, on va manger un grec, là. Oui, bonjour, monsieur, je vous appelais, parce que, voilà, vous avez commandé des pizzas, donc là, je suis en bas du bloc, j'avais pas prévu le chaleur, mais le problème, c'est que, ben, voilà, je sais pas, ouvrir, descendez, parce que le problème, c'est que j'ai froid, j'ai faim, surtout. J'ai pas envie de manger vos pizzas, quoi. Oh mon Dieu, c'est la messagerie Valdée. Mon cœur fait boum boum boum. C'est un truc de fou l'amour que je te porte, genre je t'écoute tous les jours. Salut gros Lascar, on veut des putes et des putes et des putes et des putes. Valdée sur Skyrock, mon fucker. Big up du sud. Ouais Vald, bonjour. Hey Vald, au revoir. Fin de nouveau message. Hey. C'est l'émission rap de référence. Planet 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Planet Rap Vald. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Vald dans ce vendredi soir. Et on l'annonçait, il est arrivé. Bou bou bou. Il est arrivé pendant la pub. Eh, c'est pas trop tôt. On reconnaît l'heure de Gradure, quoi. Voilà. Oh, léger, léger. Ça va, Gradure? Ça va et toi? Eh, ça fait plaisir de t'avoir, ça faisait un petit moment. Ça fait un moment. Je t'ai vu voyager dans le monde entier. Ouais, l'homme au bob t'a emmené partout. Et puis oui, c'est vrai que ça bosse parce que je vois aussi que là, c'est parti avec les gens qui te suivent sur les différents réseaux sociaux. Mmh. Quand sera la prochaine sortie de Gradure? Quand est-ce qu'arrive chez Guevara? Ils sont fâchés, t'as pas vu comment ils m'insultent là? Ils sont énervés, ils veulent savoir. T'as toujours pas de date? Tu veux toujours pas les rassurer? Fin d'année, je suis en train de finir le projet déjà. Donc novembre, décembre. Ouais, ou janvier. Ah, ok, ça s'est élargi. Donc ça peut aller jusque janvier 2016. Voilà. Bon, bah ça fait plaisir de t'avoir en tout cas. Tu connais ce garçon qui est en face de toi. Ouais, Vald. Monsieur Vald, tu as écouté un peu son projet ou pas? Tu as écouté un peu J'ai pas tout écouté, mais déjà j'ai grave kiffé Bonjour. Mmh. Bonjour et le dernier là. Ah, fait des selfies, mais qui n'a pas kiffé selfie? Ouais. Mais j'ai pas fait écouter à mes petits frères, tu vois. Non. Il est un peu trash. Pas tout de suite. Bon, ça dépend quel cas. Au storytelling que t'as fait sur Snapchat pour expliquer bonjour. Grosse dédicace. Elle était pas mal, moi. Elle était incroyable, mec. Bon, Vald, quel regard tu as justement sur Gradure, sur son boulot, sur la façon dont il s'est imposé dans ce fameux rap game? C'est splendide, mec, tout baiser en un an, c'est incroyable. Incroyable, non? C'est beau, c'est américain. Et l'histoire. Alors, on peut se dire que. C'est vrai que tous les deux, quand on regarde le spectre du rap, vous pouvez être parfois un peu à l'opposé, parce que sur les textes, même sur Vald, parfois il faut essayer de comprendre. Hein. Il y a certains morceaux, on va en passer un dans un instant, je sais pas si t'as entendu, qui s'appelle Poisson. Mm-hmm. Tu vas pouvoir le découvrir, tu vas voir. C'est un particulier celui-ci, ouais. Poisson. Hein, c'est Kirchhoff qui rassemble tout le monde. Alex, ouais, Kirchhoff. Ouais. Et bah tiens, justement, après, c'est bien de mélanger les styles, tu vois. Mm-hmm. Parce que peut-être que je vais écouter sa musique, il y a des sons que je vais aimer. Même un mélange de styles, c'est pas. C'est bien. Et bah tiens, comme tu parlais justement, vous êtes en effet sur le label Millennium. Hein, ouais, c'est ça aussi qui nous rassemble. C'est ça qui vous rassemble, c'est une équipe, c'est une dream team. Ouais, voilà. Avec. Comment on l'appelle, le patron? Comment, qu'est-ce qu'on dit? Comment je l'appelle, le blanc? Val, tu l'appelles aussi le blanc? Je l'appelle Charon. C'est Alex, le patron de Millennium. Ça va bien, Alex? Salut, Fred. Tout je crois bien. Que tu es venu avec ça un va. Cadeau, alors non pas pour Gradure. Ouais, Gradure un peu plus tard, je pense qu'on le fera, j'espère, avant la fin d'année. Mais tu es venu avec un cadeau pour Vald. Ouais, j'ai ramené à Vald. Son disque dur. C'est-à-dire qu'il y avait des disques. Pareil qu'elle est pas molle. Il y avait des disques d'or, des voilà. disques de platine, ouais. mais après le disque selfie, dur. Exactement, après Selfie, on lui a donc. Parce que c'est quand même aujourd'hui qu'est sorti le projet. Hein, donc, c'est en moins de 24 heures, parce qu'il est 20 heures, on est sorti hier soir, ça devait être sur iTunes vers 1h du mat. iTunes, toi tu dis iTunes. Voilà. C'est un carré. C'est bien de le savoir, je note. Moi qui dis bêtement iTunes, je vais dire iTunes. Bêtement. Donc on va fêter les 50 000 téléchargements illégaux. Voilà. Ah, c'est voilà. bien ça, le truc. Ouais, ouais, ouais. Hey, c'est un beau score. C'est pour J'aimerais ça que c'est remercier toute ma famille qui m'a supporté depuis le début. Et il est venu aussi avec ton contrat qui va rompre maintenant. Voilà. Alex, il va te remettre ton contrat en fait. Parce que généralement, les maisons de disques, quand c'est du disque dur, des téléchargements illégaux, c'est pas très sympa quoi. Non, moi j'aimerais surtout réaliser Mercus à la réalisation. De ce disque dur? De ce disque dur, évidemment. Tiens, prends-le voilà, quand même, Vald. Attends. Ah, Vald. Avec plaisir, j'ai envie de l'embrasser. Parce les que images là, 50 000 gratos, ça veut dire c'est pas tous les jours. C'est pour ça que tu as un grand sourire, je le vois, Alex. Vous pouvez découvrir ça en images si vous avez les images sur le skyrock.fm, sinon on mettra la vidéo bien évidemment. Allez mater avec l'application Skyrock un magnifique disque dur, Gradure. Tu n'avais pas encore bravo, vu celui-ci. Merci tout le monde. Merci de me télécharger. Merci. Ah ouais, continue. Ah bah depuis le mois de février, il est plusieurs fois. Il est diamant, multi-diamant. Gradure, ouais, aussi. Hein. Ouais, le disque dur, il en a plus rien à foutre. Multi-diamant, les salopards. C'est dur. Tu vois ce qui t'attend pour ton prochain Planète Rap, Gradure? Ouais, c'est cool. Alex viendra avec des cadeaux. Ouais. Le blanc, pardon. Le blanc viendra avec des cadeaux. Bon, merci Alex en tout cas. Hein. Avec plaisir. Est-ce que tu veux quand même dire un petit mot, tiens, sur ces deux artistes qui sont là, est-ce que tu prends du plaisir quand même à bosser avec eux au quotidien ou c'est des gros relous? Du plaisir, pas trop. Mais en tout cas, non, c'est pas facile tous les jours. Hein. C'est pas facile parce que j'ai quand même deux Congolais. Bon, là, c'est. Là, tu parles pour Niska aussi, hein, qui ouais, fait partie du label. Moi, ouais, il y a beaucoup. Hein, ah, tu parles ouais, des Congolais. Moi, j'ai aussi. Ouais, j'ai un peu de tout. Hein, et Niska est breton. Ouais, ouais. Mais écoute, non, c'est un beau mélange et puis c'est bien, c'est une belle mixité. Moi, je suis très fier de ces deux artistes et de tous les autres. C'est un bonheur. Et bah, longue vie au label Millennium, qui est un nouveau label hein, au sein d'Universal et qui a signé notamment, voilà. Bon, on le disait, Vald, Gradure, ouais. Niska, Yaroff aussi. Ouais, je pense qu'on peut le dire que c'est le plus gros label. Je pense que c'est le label du Millennium. Mmh. pour ouais, résumer. Du millénaire, du centenaire. Merci Succon AD, merci. C'est trop, c'est trop. Succon Blaze AD, pardon. Succon Blaze AD. Je suis très con. Blaze AD qui est là aussi avec nous, on l'a dit en début d'émission. Je voulais, oui, passer un morceau Gradure, puisque tu n'as pas tout écouté de Vald et de son projet. Un morceau qui s'appelle Poisson. Tu vas pas écouter celui-ci? Non, j'ai pas écouté. Écoute, analyse et on en parle juste après. Mais c'est le poisson. Je suis un poisson, hein, perdu dans l'océan, oui. Et puis j'aime les algues, ok, j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et je suis un poisson, okay, perdu dans l'océan. Mais puis j'aime les algues, putain j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et puis j'aime les algues, et je suis un poisson, perdu dans l'océan. Oui, je suis un poisson qui adore les algues, qui adore les algues, et les algues, et les algues, et les algues, et les algues, et je suis un poisson. Ah bon? Perdu dans l'océan. Et puis j'aime les algues. Oh oui, j'aime les algues. Et puis nique les fagues. Nique tous les faguettes. Tous les fagues, tous les fagues, tous les fagues. Et je suis un poisson. Oui, je suis un poisson. Et je suis impatient. Perdu dans l'océan. Oui, j'adore les vagues. J'adore les vagues. Et je suis un poisson. Et j'adore les vagues. Et j'oublie les phases d'avant. Je suis un poisson perdu dans l'océan. J'aime les algues. Ah oui, j'aime les algues. Refrain. Je suis un poisson, je suis dans l'océan. Et j'aime les algues, oui j'aime les algues. Je suis un poisson, je suis dans l'océan. Et j'aime les algues, oui j'aime les algues. Magnifique. Un petit peu de douceur. Voilà. Réaction, je me tourne vers Gradure. Réaction après avoir écouté attentivement ce morceau. Hein, je te voyais balancer la tête dessus. J'avais la tête dans l'eau là. Sous l'eau. Sous l'eau. Pas mal hein, quand même ce non, morceau. Pas mal. Je tiens à préciser que c'est le morceau qui m'a demandé le plus de temps d'écriture. Ah bah ça, j'en doute pas un seul instant. J'ai mis pour trouver la métaphore parfaite quoi. Pas bon, mal, en tout cas, c'est mal. Un très beau morceau de l'album. Tu comprends, hein, il mérite cachés. Largement son disque non, dur. J'aime, hein. J'aime bien son style décalé un peu, tu vois. C'est ce qui ah bah là, c'est ouais, décalé, là, on y est. Hein. Avec ce morceau. T'aurais pu faire d'ailleurs d'autres morceaux, je sais pas, je suis. Un cochon. Un cochon. Je... Non. Ou un mouton, tu vois. Je suis... Ah oui, bah là, on était. C'était l'Aïd en plus. Je suis un mouton. Je... Non, c'était, ah, le, non c'était, c'était le poisson on qui t'inspirait. Peut le, voilà, est-ce qu'on peut le décliner? C'est ça. Est-ce qu'il peut y avoir des versions remix? Bien sûr. Bien sûr. C'est conseillé même d'ailleurs, n'hésitez voilà, pas. Hein, faites-vous si plaisir. Si je veux dire, voilà. Si vous êtes inspiré, n'hésitez pas. Dans un instant, il y aura du live avec. On mettra aussi un petit rond léger, non, Gradure, tu nous le feras comme tu veux. Ouais, je le mettrai. Je mettrai des petites voix dessus. Très bien, donc c'est le En Léger 2. En Léger 2, ouais. Ça, c'est ce qui a déjà été balancé sur le net, parce que toi, tu balances un peu là comme ça des morceaux. Ouais, voilà. Qui c'est juste pour faire patienter un peu les gens, tu ouais. vois, pour pas balancer mes extraits. Mm. C'est des petits trucs, juste histoire d'être là. Des petits bonus, cadeaux. Voilà, et quand je vais commencer à balancer les extraits, là, on va envoyer la sauce, quoi. Est-ce qu'on peut imaginer un jour une rencontre Vald, Gradure, hormis hors le studio ici, dans un autre studio pour faire un morceau? Est-ce que... Alors, on s'est déjà rencontré à FIFA 16, donc À mon avis, t'as pas gagné. Une chose à la fois, quoi. Vald, je suis pas sûr. Ah, j'ai pas touché la manette. Ah oui, c'est ça. Ouais, non. Connaissant, t'es connaissant justement aux jeux vidéo, je suis sûr. Ouais, non. Je sais pas, c'est peut-être envisageable. L'univers nous le dira. Ouais, voilà. T'as pas une idée de morceau comme ça décalé, Gradure, un truc? On va trouver, avec des animaux, des bêtes. Dans l'air, des trucs, ouais, très bien. Voilà. Ouais. Bon bah commence à bosser dessus et en attendant on accueille Yanis de Sartrouville pour le freestyle par téléphone. Salut Yanis. Ça va Fred ou quoi? Ça va et toi? Ça va tranquillement. Vald bien quoi? Vald est là, Gradure est là aussi avec Gradure, nous. Gradure, tranquille ou quoi mon poteau? On léger et toi mon gars? Ça va, on est là tranquille, tu te rappelles de moi ou pas? Si, t'aimes trop Skyrock mon gars. Ah, c'est vrai que t'étais venu rapper pendant le Planète Rap de Gradure Yanis. Ouais, il avait partagé mon son même, c'est gentil, ouais, c'est très gentil de sa part même. C'est quelqu'un qui partage beaucoup d'ailleurs Gradure, ouais, qui donne bon, de la force à beaucoup. Il a un bon souffle dans le rap, un truc de ouf. Il donne beaucoup de force à tout le monde en tout cas. Et bah on t'écoute rapper, c'est parti, c'est parti Yanis. Vas-y. Ok, frère de l'ombre, Yannis Septezel, seul, 2-0-16. Ok, ça fait 1-1. M'éliminer, faudrait les foutre dans le brasier. Percé, brassé, j'ai pas assez. T'as parlé sur mon dos, va falloir que t'assumes. Y'a pas que de même que je t'avais insulté. Fais des traces, tu n'es pas prêt. Arrape les têtes, t'as des LT, je m'apprête. Monte pas ton cœur, tape ton derrière. J'ai pas la belle vie, mais j'ai la belle vétère, j'en bats avec Ben. Bang, j'vous retape, me gang, bang. Pendant que du vrai, j'ai déjà assumé tous mes actes. Le savoir est une affaire, afin que dans tes livres. Monte sur le canapé et que je t'écrase. Combattant à part dans ce game, on vole mes rimes. Si tu fais le bandit gros, je t'arrafale. Entre, vois des morceaux de ton corps sur le lit. À genoux, t'es salope, et c'est pas pour prier, salope. Ça fait 5 piges que je suis dans la rap game. Il va arriver direct, j'y galope. J'parpé dans le beat, j'rappe avec les vrais potos. Tout baiser dans le game, objectif de haut niveau. J'rappe depuis 15 piges, je le fond la forme. J'vois pas la vie en rose si j'ai pris le bord. J'défonce les portes du rap game et du succès. T'as pas du vide, salope, si tu m'as sucé. De nos jours, même les chats passent sous les roues. David te casse en deux si t'as parlé sur nous. Pourquoi rapper sans thème, si t'as rap, c'est ta mère. J'suis entouré de bleu, mais j'ai pas la vue sur la mer. Écoute mon son, tu cogis. Je transferme dans le shit, et mon côté dans le dos que j'ai pété à fait chez les Schmitt. Yes Yannis à l'instant. Bravo à toi mon pote comme d'hab. Au top. On est gentil. Et bah deux trois petites dédicaces, deux trois petits messages à passer, on t'écoute. Ouais, il y a mon premier album qui s'intitule Seul, je suis en train de bosser dessus. Il y a du lourd, très très très lourd morceau. Gradure en parlant de ça, je vais au 54 dimanche prochain enregistrer un très un lourd son de fou malade. Ça s'appelle Ferragamo, il est très lourd. Ouais, c'est cool. Et voilà, gros soutien à tout le monde, gros soutien à ceux qui soutiennent, grosse force à eux. On attend fort la mixtape à Gradure, là, on attend qu'il sorte. Et bah, tu as entendu entre novembre et janvier, donc c'est assez large. Novembre et janvier, c'est officiel. Entre novembre et janvier, voilà. En tout cas, fin ou début d'année 2016. Ah, c'est bon ça. Et allez soutenir le projet de Val, d'aller l'acheter au lieu de le télécharger là. Il a eu son disque dur. C'est pas comme ça qu'on soutient un artiste. On est d'accord. Oh, tu redonnes le sourire à Alex. Non, son projet, il est lourd, il est très lourd. Merci à toi, Yannis, en tout cas. Y a pas de soucis, c'est l'Angers. Passe une bonne soirée sur Skyrock, le Planet Rap. Avant, je sais que Gradure, t'es pressé, tu dois nous quitter. Donc, on fait quoi? Le en léger, on balance le en léger 2. Vald. C'est une excellente idée. C'est une idée, non? Grosse prod. Comme c'est ton Planet Rap aussi, j'ai pas envie d'empiéter dessus. Il a dit grosse prod. Grosse prod, pas mal. En léger. Exact. Allez, c'est parti, Gradure maintenant sur Skyrock. Et après, il y a live de Vald. DJ Weedo. Ouais. D-U-R. G-A. Shake it, va. On fait nos affaires pendant que les flics enquêtent. C'est pas tard de nous lever comme des compètes. On rêve de quitter le plan, de quitter la tête, de quitter la haine. Trop de frères ont perdu la vue à cause d'une putain de paire de fesses. Hier t'étais là, on se marrait beaucoup, on se lançait que des vannes. Aujourd'hui t'es parti sans même dire au revoir ni bonjour, un peu comme Val. J'ai tellement rappé l'enchaîne, mon poteau, j'ai tellement rappé la tête. Que même la langue de Molière et celle de Zidane en attrape des modèles. Tous les jours connecté avec le tout puissant, oui j'ai le modèle. Un tapis de prière, une rage de guerrier, je veux déplacer des montagnes. On enchaîne les péchés chaque jour, le sexe, l'alcool dans le revue. Puis un bonjour en crève, en laissant derrière famille, enfants et trophées. L'enfer un very bad trip, et le paradis un space mountain. Le diable s'habille en string talon, regarde comment elle est montée. Trop de frères ont perdu la vie à cause du bise, à cause du pèse. Trop de frères ont perdu la vue à cause d'une putain de paire de feuilles. Charbon de janvier à décembre, un 9 milli dans la boîte à gants pour me défendre. J'suis tellement monté haut, oh, il rêve de ma chute, il rêve de me descendre. Jalousé par mes propres frères, dans mon propre checkso, putain c'est sale. Par derrière ça frappe ici, la guerre est fratricide, un peu comme à Kinshasa. Lucifer c'est faire la maille, dont je rêve de me faire la maille, le gamos vient d'Allemagne. Faut que j'aille me laver au bled, comme du pif à la banque, un peu comme le linge sale. Dans la halam, c'est dur de différencier le bien et le mal. Donc je me suis tué dans la musique. Aujourd'hui grâce à ça je m'évade. Je te rappe la merde et c'est ça qui marchait. J'en ai besoin pour rouler sur l'or. Bah ouais poteau, dans la vie y'a ceux qui rage et ceux qui croyaient. Vie de ma mère, ma vie c'est un naufrage. J'suis dans de beaux draps, mélange citron vodka. Noyé dans le breuvage, des sentences bloquées dans une putain de vodka. On n'est pas tous seuls, même sans si seul. Comme à la naissance ou dans un lacet. Le buzz c'est bientôt fini, veni veni vici. J'repars comme Camini. Cœur de pierre recouvert d'une bâche. L'amour moi j'y ai pas le droit. J'suis un peu comme SCH. J'te mets pas la bague, non j'mets que le doigt. On commence dans le H, on finit dans la sec. Gabba vie sans lacet, la vie de roue m'enlacet. Tes bras m'enlacet, billet m'enlacet. passé. Remets la vue ta semaine, on oublie son passé. Et j'en veux même pas à ceux qui m'ont refusé les filles, car aujourd'hui je m'en sors. Le cœur sur la main, un mec en or et du bif dans les poches et un disque d'or. Hier t'étais une resta, aujourd'hui tu te vois. Qui t'ont oublié, sont passés un autre, la mixtape arrive et j'ai peur qu'elle floppe. Non, je peux pas perdre, tu es un peu comme Floyd. Aujourd'hui on s'aime et demain on se déteste. Viens, on se faisait la guerre et demain on décède. On fume du tâche, on se croit dans les têtes. Et quand tu vives pour les yeux d'une concesse. Et quand y'a plus rien, on retourne dans la S. Bah ouais. Le seul amour véritable, c'est celui de la maternelle et celui de l'éternel. Et celui de l'éternel. On fait nos affaires pendant que les flics enquêtent. C'est pas ta rêve de nous lever comme des compètes. On rêve de quitter le bloc, de quitter la thèse, de quitter la haine. Trop de frères ont perdu la vue à cause d'une putain de paire de fesses. On fait nos affaires pendant que les flics enquêtent. C'est pas ta rêve de nous lever comme des compètes. On rêve de quitter le bloc, de quitter la tête, de quitter la haine. Trop de frères ont perdu la vue à cause d'une putain de paire de fesses. Prends léger, grosse course à Valde. Ni queue ni tête, en léger, c'est bon. Allez soutenir. Bon mon Chegué. Ça bouge pas. Che Guevara 2 ça arrive. Millennium Barclay, on est ensemble. Et on arrive fin d'année. Bye bye. Les freestyles en léger, c'est juste des exercices de style. Et bientôt, on va passer aux choses sérieuses. Du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait. Tout le monde a dit bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui. Bonjour madame, je vais te niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. Le respect se demande pas, le respect se prend. Le respect se perd. Le respect se demande pas, le respect se prend. Arrache-le dès que tu peux. Le respect se perd. Mais ne se gagne pas, si faire un grappin, c'est ton gagne-pain. Ferme ta gueule. Viens pas t'étonner si on t'aime pas. Si on peut troquer ta vie contre un potéto. J'crois t'as pas compris le tempo. Parce que le mec s'est vengé. Parce que le mec s'est vengé. Il a dit tout est mort. Fils de pute, j'vais les manger. Cimetière communal, lui check toutes les pierres tombales. Village de trois croix gammées, il trouve la tombe à mémé. Il déterre la vieille, les vers l'ont désossé. Donc il régurgite sur les fleurs déposées. Du coup il s'est fait niquer sa mère. C'est-à-dire que le mec arrivait. Mec arrivé. Tout le monde a dit bonjour. Mais lui, et lui, il a pas dit bonjour. Il s'est fait niquer sa mère. Il est parti chez lui, bonjour madame, je vais niquer ta mère. Il a niqué la mère de sa mère, pour enfin niquer sa mère. Non, fallait mieux dire bonjour. Mais lui, il a pas dit bonjour. En fait l'histoire est plus complexe, c'est-à-dire que le mec a dit wesh. Mais il a pas regardé dans les yeux. Les yeux c'est le reflet de l'âme, donc frelon quand tu dis wesh. Faut regarder dans les yeux. Mais le mec a dit wesh, à tes mains ses pieds. C'est là que j'ai oui, je vais niquer la mère de ta mère pour enfin niquer ta mère. Oh, la regardant dans les yeux. C'est parti de pas grand chose, rien du tout. Ça rend nos parents chauds. Je ferme une parenthèse. Oh, charentaise. Chiche, chiche. MQNT2 le 25 septembre. Bang bang bang bang bang. C'est tout ce que j'ai à dire. Si tu sors pour Che Guevara 2 sous peu. Sors protégé. Si, si. Pense à tout ce que tu peux. Force à tes amis, si tu peux te protéger un toi-même. Un gros son bon jeu. Avec des gilets pare-balles. Qui sont-ils, que font-ils, qui compose un continent, repas de la cantine. Exclusivité, nouveau freestyle en ligne sur Boost Café. Ça va, ça va, ça va. Même si coup ça, mais ça va de son là-bas. Et mes pieds sont ici, les cadavres font peur. Mais on prend les gimmicks. DJ Weedo remplis l'assiette, dispose l'argenterie. Sus ma bite, sois gentil. Des putes et des putes, si ça part en tri. Des putes et des putes, nique tout ce qu'ils peuvent les parents. Rocklet comme des pouilles à l'autopsie. Des brouillards, je vais être au top. Dès que je transperce les brouillards, j'encourage Louya. Quand j'aime je pèse, quand j'aime pas je baise aussi. Heureusement Dieu nous aide. Le feu danse sous le ciel, ça fout le zbeul. Je prends la grosse tête et les miettes. Je n'ai que squelette, je n'ai que ce que je mets. Rite et tu es. Mais je sais pas ce que c'est. J'ai la tête sur les épaules et dans les taux. Trouve-moi dans tous mes états lorsqu'il est tôt. J'ai mis les vols depuis longtemps. Nuages de fumée virevoltant. J'oublie un temps que mes pilotants. Les pilotants, les péons dansent. Les péons dansent et tentent de trouver de l'or. Ou de prouver que leur existence vaudrait plus que celle des porcs. On ouvre des culs, ferme des portes. Trouve des puces, perce des corps. Quel décor, ou même les morts. Nous détester, jette des sorts. Moi je reste dehors, pour le reste de fiole. Et je perds forme, en pleine forme. En pleine forme. Tête de corbeau, à chaque coin de rue derrière chaque putain de sourire se cache plein de machin pointu. J'quête le bord, c'est déjà le dé. Vu d'un souci, j'peux d'affaiblir. Jusqu'au suicide, on fera des lits sur celui pour que je ressuscite. J'tire les cheveux sur mes pompes, vire les petits. Je vise les trompes, tous d'oseille. J'arrive en trompe, tout le pavillon tremble. Toute la vie, on semble, toute la vie ensemble. Toute la vie, on mange, sembler toute la vie, on ange. Sangler toute la violence, à cause d'enfance. Menter tout pareil ensemble. Chiii. Des écailles, Sully chasse les lézards. J'ai pris clair comme Link, des Zelda. T'es chimique mais baisable. Rase les lezaines visant. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Je les témoins éduqués d'en face. Ces putes sont mal éduquées. Ils se croient dans la place mais quand le RER passe, j'insulte les mamans, dis-moi qu'est-ce qu'ils vont faire. Je suis plus chaud qu'avant. Avant j'étais du père, je disais qu'est-ce qu'ils vont faire. Maintenant je suis certain gros, qu'est-ce qu'ils vont faire. Sortir le usine, on rafale dessus, tu travailles à l'usine. Ta meuf est stupide et velue, t'es venu, t'as rien vu. La queue d'en vaincu, ton âme consumée comme l'indu. Le lundi au soleil, au sommet des marches de la sécu. Quand j'ouvre un œil, je cherche une issue. À l'horizon que des murs s'égorent. Ils ont fait des pubs afin de cloisonner l'Éden, empoisonner nos visions là. Fin nourrit les rêves et ma main rougit tes lèvres. Le 25 est funéraire, nos vies sont hardcore. Nos visions hardcore, des lunettes pour cacher nos reflets. Fondé comme sur 12 capés, mon refait. Qui sont-ils, que font-ils, qui compose la cantine et repas de la cantine. L'ascension consiste N-Q-N-T-2. À saucissonner ton âme sensible à ceci. Dans les bras, ça va, ça va, ça va. Même si coup, si coup, ça va, ça va, mais ça va, ils sont là-bas. Et mes pieds sont ici, les cadavres font peur. Mais on prend les gimmicks. À l'instant en live sur Skyrock, Vald, il y avait aussi Gradure. Merci Gradure d'être passé. En léger, Fred. Je sais que tu es pressé, donc on va te laisser partir. Et on te retrouve donc bientôt avec Che Guevara 2. Voilà, je repars au studio, tu vois ou pas? Ah ouais. Je repars au ah studio, oui, tout n'est pas encore fini alors. Tout non, n'est... on continue de bosser. Bon bah bon courage, on attend ça avec impatience. D'accord. Merci d'être passé pour le Planète Rap de Vald. Vald, on est ensemble, ça bouge pas. Millennium. En bleu sang comme charmin, comme Nabar. Gradure avec nous pour conclure ce Planète Rap. Merci à Gradure d'être passé. Vald aussi, c'est bientôt la fin là, avant de faire tourner la roulette d'ici quelques minutes. Je vais donc te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui aujourd'hui ne sont pas précipités pour acheter l'album NQNT2? C'est qu'ils ne nous connaissent pas, sinon ils se seraient précipités. Ils auraient cliqué. Voilà, NQNT2, si vous avez le temps, jetez une oreille. Tiens, je te laisse saluer Gradure et rappeler qu'on va faire tourner la roulette dans un instant. Retrouve aussi la radio libre de Difool. Donc Vald, oui, pour conclure. Excuse-moi, on peut me parler. Dans un instant. Ah. De l'amour à NQNT2 partout, bordel de merde. Tu sais ce que je fais? Dis au revoir comme ça, je vais tourner la roulette pendant ce temps-là. Amour, t'es bon. Skyrock t'offre ton jeu PES 2016, ta PlayStation 4, plus tes places pour le transporteur héritage. Mélanie du Blanc Ménil, comment ça va Mélanie? Ça va, merci, et toi? En pleine forme, bienvenue dans ce Planète Rap. Vald avec nous, bah tiens, pas très loin de chez Vald, hein. Lui il est donné sous bois. Blanc-Ménil, d'ailleurs je crois que même d'ailleurs Blanc-Ménil, Vald, à un moment, il me semble que t'étais pas du côté de Blanc-Ménil, Vald, à une époque? Sous-bois, c'est au milieu de tout, mec. Blanc. Et t'habitais pas là-bas aussi? Non, je suis né là-bas. Ah, pardon. Tu es né. Je veux pas Fianso. Ouais, Fianso Man. Eh, hey, on salue Fianso Man et Mélanie qui vient faire tourner la roulette. On y va, c'est parti, Mélanie. Dès que tu veux, tu dis stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est. Eh ben voilà, place de ciné, Mélanie, c'est pour toi. Héritage, transporteur héritage et le jeu PES 2016 qui arrive. Dans le 9-3. Elle a gagné la PS4 là? Non, PES 2016. Ah, ouais, okay. Qu'est-ce que tu veux offrir la PS4 tu? Non, moi je l'ai pas, donc On te fait un bisou, Mélanie. Merci beaucoup. Ciao, passe une bonne soirée sur Skyrock. Merci, Vald. Merci. Je tenais à te remercier pour ce beau Planète Rap, cette belle semaine. À mort, merci à vous de nous accueillir. Je pense que les gens étaient heureux de t'entendre. On prend la tête à tout le monde, entendre le même mec tous les soirs, c'est chiant, mais merci à vous de nous accueillir, de faire ça. Bon, ça va, c'est vraiment beau, je veux dire, voilà, c'était cool. C'était pas trop douloureux ? Parce que je sais que toi, les promos, les trucs comme ça. C'est... Ouais, c'est un peu toujours chiant de faire c'est le vendeur de tapis, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Bah, merci en tout cas. Vends un petit peu, parce que rappelle que c'est sorti quand même aujourd'hui. Hein. C'est sorti aujourd'hui, c'est la reggae, on est au top de partout. Voilà. Et que tu files du côté de Lyon maintenant ? Parce que les gens t'attendent à Lyon. Je dois courir aussi, on doit se barrer. L'hélicoptère nous attend. Le Valdcopter. Et rappelez 2-3 dates aussi. 30 septembre, c'est du côté de la maroquinerie à Paris. Bon, 1er octobre. Dates, tu sais très bien le faire. À Montpellier. Merci, je suis une bonne speakerine. Le 10 octobre, du côté de Metz. Le 16 octobre, à Ivry. Le 17 octobre, à Montreux, en Suisse. Le 31 octobre, à Tulle. Le 5 novembre, à Toulouse. Le 7, à Dunkerque. Le 12 novembre, à Dijon, à la Vapeur. Le 19, à la Bifurque de Grenoble. Le 20 novembre, à Rennes. Le 11 décembre, à l'Odéon. Le 31 décembre, cette fameuse soirée du 31. La fameuse. Tu vas la passer en Belgique. Tu vas passer le nouvel an et attaquer 2016 en Belgique. À mort. Pour la fucking New Year's. Et toujours rappeler à tout le monde, si vous voulez les dates, venez sur les réseaux sociaux, VALD, vous nous trouvez facilement, vous avez toutes les dates sous les yeux. Non, sans. Merci à toute l'équipe qui était là aussi. NQ2 dans les bacs, allez dévaliser ces putains de bacs. Dévaliser. Moi tout ça. Chiche. Merci à vous en tout cas pour cette bonne semaine dans Planète Rap. Tous les chéguets, tous les charros. Sérieux. Ah ouais, bah il faut être ensemble. Ah ouais. Comme jamais. Et je vous retrouve tout à l'heure pour la nocturne 100% rap français. Là, c'est D-Fool qu'on va retrouver pour la Radio Libre maintenant. C'est parti. Ciao. Mais oui, c'est parti. Ciao. Et Vald qui viendra nous rendre visite bientôt dans la Radio Libre. Je pense qu'on passera encore une grosse soirée. Merci Fredo. De rien. Et le rendez-vous, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit. À minuit, tout à l'heure, la nocturne de Planète Rap 100% rap français. Il y a quoi de prévu, Fred? Kamel l'Ancien qui débarque pendant une heure. Kamel l'Ancien. Avec son projet qui est aussi sorti aujourd'hui. On pourra le découvrir tout à l'heure. Et puis, évidemment, du son de Niska qui viendra la semaine prochaine dans Planète Rap. Ah ouais, semaine prochaine, semaine Niska dans Planète Rap, à pas louper. On écoutera d'ailleurs ce soir avec Sapé comme jamais, où il fait de penser d'ici minuit là. Okay. Ouais, c'est une bonne idée. Ah bah, j'ai plein de bonnes idées comme ça. Approuvé par Fred. Ça commence. Tu as toujours de bonnes idées. C'est mon cerveau se met en marche comme ça aux alentours de 21h. C'est parti jusqu'à minuit. Tiens, on parlait de Maître Gims et Niska qu'on écoutera avant minuit. Eh bien, on se fera aussi un Maître Gims tout seul. C'est Brisé qu'on va écouter tout de suite sur Skyrock, le son de Gims que tu avais reçu d'ailleurs même deux semaines au tout début de la saison. Avec le double album Mon cœur avait raison. Il est encore premier, Maître Gims. Cartonne. Ouais, bah, cartonne. Bravo. Bravo, Maître Gims. T'auras des trucs à lui voler la prochaine fois qu'il viendra, Romano. Ah ouais, c'est clair. Oui, parce que ça pèse maintenant, Gims. Ouais. Double album, premier depuis trois semaines. Enfin, c'est la tournée bientôt. La tournée, t'imagines tout cet argent qui. Ah ouais, ça doit palper là. Ouais. Putain, il a un sourire. Gims, Romano vient de t'inviter en direct sur Skyrock pour une émission spéciale, voire deux ou trois ou quatre ou cinq. Il est content. Il était passé. Il a pas les mains vides. Non, mais quand il était venu, avec l'album quand il était venu dans l'émission. Ouais, Gims. Ouais, je me souviens. Bon, on a une surprise pour vous ce soir. Rappeur Carré qu'on n'a jamais eu dans l'émission sur Skyrock. Vous le retrouvez avant minuit. Je pense, si tout se passe bien. Je sais. Ouais. Ce sera notre invité mystère ce soir. Restez bien dans le coin. Surprise aussi, parce qu'avec Pamela, tout peut arriver. Vous le savez, c'est vendredi. Ah bah, t'es déjà là. Bonsoir, Fred. Bah, tu sais, elle est surexcitée. Hein. La douce Pamela. Elle était déjà là ce matin, d'ailleurs, Pamela. Oui, je suis passée. Bon, et sinon, on a une petite surprise, mais on en reparle dans l'instant. Ça c'est bien. Ça. Oui, c'est bien. Ouais. On va rencontrer deux grandes stars également. Alors, il y aura trois stars, une star américaine et deux grandes stars, deux stars françaises aussi. On essaiera de partir à leur rencontre ce soir. Ouais. Le tapis rouge est déployé. Ouais, ça va déchirer ce soir. Et puis, on vous attend surtout, vous tous et vous toutes, au 01 53 40 30 20. Vous nous appelez, l'équipe vous attend, et puis vous nous laissez des messages. Ça arrive directement dans le studio. Tu sais comment ça marche, Fredo, hein. Bah, c'est simple. Et bah oui. Vous envoyez plein de messages. Plein, 41 759, skyrock.fm, vous nous laissez tout ça. Et sur l'appli Skyrock, aussi télécharger l'appli et puis vous pouvez nous envoyer les messages que vous voulez, même des photos de vous, c'est super. Allez, c'est parti, on démarre avec Gims, Brisé sur Skyrock, et Fred, rendez-vous tout à l'heure à minuit avant le Planète Rap de Niska la semaine prochaine. Ciao à toutes. Ciao. Et Maître Gims arrive tout de suite sur Sky. Skyrock, 6h-9h, premier sur l'iPhone 6S. Et on exclut mondial.